Il y a des films pleins de disques durs. Il y a des films pleins de disques durs. Et j'en regarde. Il y a du Pontel sur mon disque dur. Il y a du Pontel sur mon disque dur. Je le regarde. Il y a Fernandel sur mon disque dur. Il y a Fernandel sur mon disque dur. Je le regarde. Je le regarde. Il y a Mathieu Costa sur mon disque dur. Il y a Mathieu Costa sur mon disque dur. Je le regarde. Je le regarde.